Nul doute que seule une extrême misère force les gens à quitter leur patrie, que les capitalistes exploitent de la façon la plus éhontée les ouvriers émigrés. Mais seuls les réactionnaires peuvent se boucher les yeux devant la signification progressive de cette manière de migration des peuples. Advanced capitalism forces displaced workers into its maelstrom, tears them away from their backward countries of origin, and has them. À notre sens, ajoutait Monsieur Brown, un État peut expulser de son territoire le ressortissant d'un autre État, tout comme n'importe quel individu peut mettre à la porte de sa maison un invité, même membre de sa famille qui s'est comporté d'une manière excessivement grossière. Cretino. De sa qualité d'étranger et de sa faible capacité de défense, l'État au-dessous met le migrant à un système juridique peu digne de ce nom. La situation d'infra-droit dans laquelle se trouve le travailleur étranger est le reflet d'une politique d'immigration qui caractérise les rapports entre importateurs et exportateurs de main-d'œuvre. Pour l'État, au-delà, main-d'œuvre doit être la moins chère possible pour un rendement maximum. Adultes mais jeunes en bonne santé, célibataires, sans formation ou spécialisation, n'étant pas utile qu'elle en acquiert, elle doit être mobile à l'intérieur du pays, conserver son caractère provisoire, ce qui permet de la rapatrier. Gastarbeiter sind eine Randgruppe der Bevölkerung, die zwar die Pflichten der Gesellschaft teilt, in der sie lebt und arbeitet, aber nicht in den Genuss der Vorteile und politischen Rechte kommt. Thank you. einer Großstadt. 15 jours par an, je rentrais au pays pour voir ma femme. Die Arbeitsimmigranten haben die Gewohnheit. À Paris, j'ai attrapé une maladie. De femme. Sich im Hauptbahnhof zu versammeln. Depuis, j'ai peur de revoir ma femme. Mi marido fue quien me hizo venir aquí. Yo no había pensado nunca en irme de mi país. Jesmi Huni, we fakridi ma radi. Če človek ne razume jezika, je popolnoma zgubljen. Počuti se kot žival. Alfabetizacija, ja, da lahko odgovorim, kadar me zmerjajo. Rada bi razumela svoje otroke, kadar govorijo med seboj. Tako jih ne bi bilo treba prositi, da mi prevajajo. Ma balčento se hem na štpi, purkur. Se ašte keč ke tu, a te ašte ma keč, se kapuna. Kapote, fen iksera, tisapi, monaksja, eso, toksero. Ja nisem nikada razmišljala o tome, za koliko vremena sem došla vama. Ja sam samo mislila na moje snove, a to jest imati kuću. Santa ich, per suffletul imi este acolo. Kind me voi întoarce acas, imi va fi foarte greu să mă readaptez. Mă simt străini aici, dar și mai străini acolo. Я плохо говорю на их языке, так я предпочитаю молчать. А то мне говорят, поганая иностранка, поезжай обратно к себе домой. Due anni fa sono venuti a prendere le misure della stanza. Hanno detto che era incredibile viverci con quattro bambini. Però non hanno fatto nulla. Siamo ancora qui. Постановила мо шетличен тутай, хоба же зостана змушона до виязду, бо праводавство емиграції улегне зняти. Сикшон гинтван ара, хоч бізанья шьога кат копью, пельдаун хоч валост хошун. Комиссион а деciде! Qu'il faut entendre par expulsion collective d'étrangers. Toute mesure de l'autorité compétente contraignant des étrangers en tant que groupe de quitter le pays. وزير الداخلية مشروع للتشجيع اللاجئين الأجانب بالرجوع إلى بلادهم بالتقرير المكاني وإعانة إلى البلدان المهاجرين للرجوع إلى بلادهم. وكان استقبال طلاب الملجأ السياسي من العالم الثالث ومن بعض البلدان الفقيرة كبولونيا ويوغوسلافيا وبولونيا لا تحمله sortir de notre pays l'argent d'argent. Il ne s'intéresse à rien d'autre qu'à l'argent. C'est toujours la même histoire. Ils nous prennent notre argent, ils prennent nos postes de travail, ils nous prennent nos maisons. S'ils pouvaient, et si nous leur laissions, ils s'approprieraient tout. Savez-vous qu'ils bouffent tous du même plat? Ce sont des barbares. Ils essaient de faire venir leur famille, ils occupent des quartiers entiers et vivent à 20 dans un appartement. Ils prétendent qu'on les exploite, mais le loueur est souvent un dealer. Ils font des affaires entre eux, leurs propres affaires. Savez-vous aussi comment ils vivent dans leur maison? Mettons en place les conditions concrètes de cette liberté. Et voici la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté de circulation, article 13. Le droit au travail, article 23, le droit à la protection de la famille. In unserem Land darf keine Ausweisung vorgenommen werden mit dem Zweck rechtmäßige Konkurrenz oder legitime Ansprüche ausländischer Arbeitnehmer zu unterbinden. Our president said it. It is a violation of human rights. Mais espagnols. Je répète le message, on vient de découvrir à la frontière, dans un camion plombé, censé transporter des machines à coudre, 38 Maliens totalement épuisés qui se rendaient en... Exact! Monsieur l'ambassadeur! Que dans ce pays, Tragedia! Shutira pizzetto! Miseria! Podpaliti šumu, ostaviti gumu, nužditi po drumu! Blasfemia! Les candidats ne seront pas oubliés. Les évêques français et allemands. Nous devons faire une déclaration solennelle devant le juge. Le deal en France, un islam intégriste. Le code de la nationalité l'annonce par le garde des Sceaux. Cette réforme adoptée sur le système de rappel. La majorité ici est l'agité. Sur la nationalité, le code national. Les immigrés priaient de se faire discret dans le centre à moins d'utiliser les fonctionnaires de police. Il vaut mieux employer... L'opposition se cherche une ligne dure à propos de l'immigration. Le Conseil d'État propose un veto extrêmement grand net. L'immigré chez les migrants. Le projet de loi réformant le code de la nationalité. Que la touche pas à mon vote. Le gouvernement a soutenu son projet. Renforcement et politique. Ensuite, le code de la nationalité. Les associations veulent transformer le revers en retrait. Les bras et fils lèvent. Une chance pour les pays pauvres. Le retour des immigrés. A rapporté les dernières modifications à la l'école et les immigrés. La nationalité. Quelques aménagements ont été procédés au Conseil de l'État. L'arme de la parole contre le racisme. Carte de séjour. Les urnes bataves s'ouvrent aux immigrés bis. Le parallèle avec l'université est frappant. Code de la nationalité. Visa pour le Parlement. Conseil des ministres a adopté. Thank you. incriminé le 7 juillet 1934 à Anderny, France. À l'âge de 13 ans, je suis parti en Yougoslavie. À 21 ans, revenu en France. À 30 ans, parti en Allemagne. À 42 ans, revenu en France. Entre-temps, une année aux États-Unis. Je suis un étranger partout. Alors il se prostituait. He could not bear loneliness. He became an alcoholic. Pour avoir son permis de séjour, il est devenu indicateur de police. He came back after 5 years, as broke as he was when he left. Il était triste. Il savait qu'il ne pourrait pas être enterré dans son pays. Et nous devons être reconnaissants, car on nous permet de vivre ici. Americo, tu brava, sei bene, può vedere figlia là. Canti boda, draghi colombi sarà. Pisci draga, pisci bu Americo, tamenaie. Troje pismo pazratno, bore bi biro, da me mati ne bi rodila. Nego da je, je Amerika mi sudjena.